qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et je vous le disais hier, la barre des 30 000 fans a été franchie sur la page Facebook de l'émission. Et Franck Ferrand, avec toute l'équipe d'Au cœur de l'histoire, a décidé de marquer le coup. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors pour l'occasion, je vous propose de jouer avec nous. J'en disais un mot hier, mais je vais être un peu plus précis. Ceux qui sont familiers de Facebook peuvent se rendre sur la page de l'émission et nous proposer un thème. Nous retiendrons... disons celui qui nous paraîtra le plus inattendu. De nombreuses personnalités ont vu le jour en 1914, parmi elles une grande vedette populaire dont vous avez choisi de nous parler pour terminer la semaine en chanson. Et oui, le 23 août 1914, naissait au Pays Basque Luis Mariano, l'idole des foules du Châtelet, l'homme de Mexico, héros d'un grand spectacle dont le conteur Henri-Jean Servat est avec nous dans ce studio. Henri-Jean est aussi l'auteur du livre officiel des 100 ans de Luis Mariano. Et puis enfin tout à l'heure, Alice, de l'émission, vous répondrez à la question de Noémie sur l'origine de la fête des mères. Et bien, la fête des mères qui aura lieu ce dimanche en France. Alors, je précise parce qu'il y a quelques années, je m'étais trompé. Vous savez, j'avais annoncé la fête des mères un mauvais jour parce que j'avais regardé sur un calendrier belge. Alors là, je vous rassure, j'ai bien pris soin de vérifier et c'est bien ce dimanche qu'aura lieu la fête des mères. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aimez-vous Brahms, demandait Françoise Sagan. Je pourrais poser la question, aimez-vous l'opérette? Voilà un genre délaissé, l'opérette, il faut bien le dire, remplacé par la comédie musicale en grande partie, pas oubliée pour autant. Car l'opérette qui a connu ses grandes heures, on va dire, du milieu des années 30 au début des années 60, survit dans la mémoire du public grâce à un nom, ou plutôt grâce à une voix. Cette voix, la voici. Franche et décidée, l'air souriant, le regard droit, voilà les chevaliers du ciel, fiers et courtois dans les tournois comme les tests d'autrefois, voilà les chevaliers du ciel, de Singapour à l'Alaska et de Panama à Panama, voilà les chevaliers du ciel, portant les signes et le d'or sur la poitrine et sur le bras, voilà. Luis Mariano sur Europe 1, extrait des Chevaliers du Ciel. Luis Mariano, la voix d'or, le ténor léger du Pays Basque. Il s'appelait du reste Mariano Eusebio González García et il est né, non pas le 23 août comme je l'ai dit imprudemment tout à l'heure et j'ai vu Henri-Jean sauter sur sa chaise, le 13 août 1914, il est né entre minuit et 1h du matin, j'essaie de me rattraper comme on peut. Il est né à Irún, donc juste à la frontière espagnole. D'ailleurs, sa mère, Gregoria, est tellement superstitieuse qu'elle va demander à son mari, qui s'appelle Mariano González, qui est mécanicien, elle lui demande de déclarer la naissance de leur fils au 12 août pour pas que ça tombe un 13, justement. Alors, le jeune couple, à peine marié, s'était un temps installé à Bordeaux avant la naissance de Mariano, mais ils sont rentrés en Espagne au moment où Gregoria est tombée enceinte. Et alors il faut imaginer ce que c'est que la France de l'époque. Hein, on est juste au moment de la Première Guerre mondiale. C'est comme par hasard, c'est juste la déclaration de la guerre. Et on peut imaginer évidemment que ce climat de guerre n'a pas été pour rien dans ce rapatriement en Espagne en quelque sorte. Le petit Mariano vient donc au monde dans une Europe qui est en train de s'enfoncer dans le premier conflit mondial. Mariano, Marianine, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, c'est son diminutif usuel, est baptisé en septembre 14 dans la cathédrale tutélaire livre d'Iroun et Christophe Mirambeau raconte que jusqu'au décès de Luis Mariano, bien peu connaîtront sa véritable date de naissance. En effet, afin de lui permettre d'échapper à la conscription, Gregoria va falsifier les papiers de son fils avec la complicité d'un fonctionnaire irounais. Un jour de 1936, la future vedette se retrouve donc d'un seul coup rajeunie de 6 ans et ce qui fait qu'il n'aura pas à répondre à l'appel du gouvernement basque. Désormais, Luis Mariano est officiellement né le 12 août 1920. Ce secret-là ne sera levé que très tard, quand je dis très tard, carrément au moment de sa mort. Alors, l'Espagne est neutre dans ce conflit. La guerre contribue tout de même à creuser l'écart au sein de la société espagnole entre les différentes couches de la population. Les parents du petit Mariano rencontrent toutes sortes de difficultés financières. Le père a repris son emploi de mécanicien. Il dirige un petit garage sous franchise Citroën. Mais, il faut bien le dire, le constructeur français n'est plus là pour exporter ses véhicules. Encore une fois, on est dans la guerre, bien entendu. Donc, l'activité du garage est nettement moins rentable. La famille a besoin d'argent. Gregoria commence à s'adonner à une espèce de contrebande. Vous savez, à l'époque, en tout cas à partir de 1915, en France, on n'a plus le droit du tout de commercialiser l'absinthe, la fée verte qui faisait trop de ravages dans les tranchées. Et évidemment, dans les pays limitrophes, et notamment en Espagne, on en profite. Et elle va vivre un peu de ce petit trafic, Gregoria. 2 ans après la naissance de Mariano, le 3 octobre 1916, elle mettra au monde une petite fille, une petite sœur pour Mariano qui s'appelle Maria Luisa. Alors, les conditions de vie en Espagne, même si encore une fois l'Espagne ne participe pas au conflit, sont de pire en pire. Et ils vont décider de venir se réinstaller à Bordeaux. Mariano père devient chauffeur de taxi, Gregoria gagne un petit peu d'argent en tant que couturière. À Bordeaux, ils ont retrouvé la sœur de Gregoria, son mari, ses enfants. Ce qui veut dire que le petit garçon, le petit Mariano, va être élevé au milieu de ses cousins dans cette joyeuse ambiance, évidemment. Et il se fait tôt remarquer à l'école par des dons assez exceptionnels. Vous allez me dire, dans la musique, dans la chanson, etc. Non, pas du tout. Dans le dessin, c'est ça son domaine à lui au départ, des talents de dessinateur absolument absolument évidents. Après la guerre, la famille va repartir pour l'Espagne. Alors le père à ce moment-là reprend sa concession Citroën. Quant au petit garçon, il a 7 ans maintenant, il est en âge de faire sa première communion, ça va lui laisser un souvenir inoubliable. Voilà ce qu'il raconte dans « La chanson de ma vie ». J'ai traîné, dit-il, de magnifiques souliers vernis dont j'étais très fier, ayant toujours eu la passion des chaussures. Catastrophe. Voilà que je m'évanouis pendant la messe. Vous imaginez l'attendrissement général. Pauvre petit, c'est l'émotion. On me sort, maman affolée ouvre mon col. Elle défait mes chaussures et s'aperçoit qu'elle avait oublié de retirer les bourrages de papier qui les garnissaient. Mes orteils ratatinés étaient, si je puis dire, à la base de mon malaise. Je communiais en chaussettes et sans autre incident. Il est très pieux, le petit. Le petit Mariano, bien entendu. Alors, après l'école primaire, Gregoria va envoyer son fils au collège Saint-Martial, un collège tenu par des religieux, français pour la plupart, qui avaient abandonné l'enseignement en France, donc au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État, vous savez, en 1905. Dans ma vie et mes amours, Luis Mariano revient sur cette période qui a été une période importante de sa vie. « Comme je ne faisais vraiment pas grand-chose de bon à l'école, dit-il, mon père, semblable à tous les pères, se demanda ce qu'il allait faire de moi. Il y avait bien le garage familial, mais la mécanique ne me plaisait guère, et je trouvais que l'essence me brûlait les mains. De plus, le commerce me semblait un métier horriblement difficile, tout en balance, bilan, comptabilité, si bien que mon père, à bout d'imagination et de patience, décida... Il ne sait faire qu'une chose, dessiner, eh bien qu'il dessine. Et il va entrer comme ça, on va l'inscrire à l'école des Beaux-Arts, une école chrétienne de Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Saint-Sébastien. Il a à ce moment-là 14 ans et il se dirige, disons-le, vers ce qui pourrait être une carrière d'architecte. Ça ne l'empêche pas de chanter quand même, le petit Mariano. Vous allez me dire, mais est-ce qu'on va y venir à cette chanson? Ben évidemment, le chant va même prendre progressivement une place de plus en plus importante dans sa vie. Il faut vous dire que la musique est une tradition dans la famille, notamment du côté maternel, et Gregoria elle-même chantait très bien. Ah, Gregoria, c'est la plus belle de toutes les mamans. Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage de l'ange du paradis. J'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi. Louis Mariano sur Europe 1, un extrait de son titre « Maman, la plus belle du monde ». L'art vocal, nous dit Henri-Jean Servat, en lequel il excelle, lui plaît bien autrement que le dessin, etc., et surtout le sport. Caressant confusément l'espoir secret de devenir aussi acteur, il n'aime alors, hormis le dessin, rien tant que donner de la voix. Inscrit selon la tradition en vigueur en la région dans une chorale, évidemment basque-espagnole, la Sociedad Irún Go Atseguina, il n'accepte ni les femmes, qui n'accepte cette chorale, pardon, ni les femmes ni les filles dans ses rangs et qui a gagné le premier prix du grand concours des chœurs basques, il s'y est fait remarquer par une belle tessiture, cadeau du ciel, de futur jeune ténor débutant et frémissant, il se situe vocalement un ton au-dessus de tous les autres, à côté, au-dessus et en mieux dans tous les sens de l'expression. Il répète jour et nuit en chantant continuellement et ses copains lui trouvent et de la force et du coffre, nous dit Henri-Jean Servat. Il a cette voix tout simplement hors du commun qui n'est sûrement pas pour rien dans la victoire de la chorale au Grand Prix de 1932. Alors bientôt, avec sept amis, il va intégrer le club Los Buenos Amigos, les bons copains, contrôlé par les frères jésuites dans lequel il va monter des pièces de théâtre avec de toutes sortes d'adolescents de son âge. C'est un groupe d'amateurs, si vous voulez. Mariano est-il bon acteur, se demande Christophe Mirambeau. Sans doute suffisamment pour que sa réputation grandisse avec le temps. Ainsi, il se verra offrir en 1935 un rôle dans une production proposée par un groupe de jeunes filles d'Irún. Mariano joue les jeunes premiers dans la pièce d'un célèbre auteur dramatique espagnol des années 20. Cet ouvrage, vite devenu un classique du répertoire ibérique, qui relate les aventures sentimentales d'un jeune danseur descendant d'esclaves et amoureux de sa partenaire, blanche, aux préjugés racistes, avait déjà connu une première adaptation cinématographique pour le cinéma muet en 1927. En 1934, cette pièce, donc El Negro de Quetenia, devient une comédie musicale pour le cinéma parlant. On peut supposer que Mariano chanta les chansons du film dans la version scénique présentée à Irún en 1935. Alors, il a grandi maintenant, hein. Il a 18 ans, Mariano, il intègre le plus célèbre chœur basque du moment, et pour tout vous dire, on vient écouter le chœur, mais c'est lui qu'on vient écouter, et autour de lui, on lui dit, mais il faut faire quelque chose de cette voix, il faut pas rester dans l'ombre d'une certaine manière. Alors il va décider de partir pour Madrid, afin d'auditionner devant un célèbre compositeur, Guerrero, un des maîtres de la zarzuela. Vous savez, la zarzuela, c'est l'opérette espagnole, si on peut dire, un genre de théâtral lyrique assez léger, qui est un petit peu, qui est entre l'opéra comique français et l'opérette, précisément. Et Guerrero va faire à Mariano un compliment. Vous savez, ça fait partie des compliments qui marquent dans une vie, et qu'il n'oubliera d'ailleurs lui-même jamais. Comme ténor, lui dit le compositeur, ah, comme ténor, tu es le meilleur. Mariano va donner ses premiers concerts à San Sébastien et bientôt un grand théâtre va lui offrir l'opportunité de se produire en tant que soliste. Alors il va échapper, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va pouvoir échapper au service militaire puis grâce à une falsification de ses papiers. Et l'année suivante, en 1936, c'est la guerre civile en Espagne. Cette guerre civile qui va opposer, vous savez, les républicains aux nationalistes de Franco. L'armée basque se bat farouchement contre les franquistes et Irún va devenir la dernière porte vers la France, une porte que Franco doit tenir pour mieux tenir le pays. Le 13 août 1936, ça vous dit quelque chose? Le 13 août, ça veut dire qu'on est le jour de son anniversaire, il a 22 ans. Mariano père part, donc le père de celui qu'on appellera Luis Mariano, va partir pour Hendaye afin de se faire opérer d'un ulcère. Et le 17, c'est-à-dire 4 jours plus tard, Luis, sa sœur, sa mère traversent la frontière à leur tour pour aller rendre visite au papa. Ils ne pourront pas faire la route en sens inverse car les troupes franquistes ont décidé de prendre Saint-Sébastien et Irun afin de couper le pays basque de la France. Il ne faut pas oublier qu'on est à une époque où le gouvernement français commence de près à s'intéresser à l'affaire et à envoyer des renforts. Enfin, ça nous entraînerait loin ça, mais disons des renforts clandestins aux troupes républicaines. Donc la famille va rester à Hendaye, elle s'installe chez un cousin qui leur prête une chambre, une même chambre pour tous les quatre, et sous ses yeux, la famille va voir passer impuissante des centaines de réfugiés qui tentent de traverser tant bien que mal la frontière franco-espagnole. Luis Mariano va parler de ça dans « Ma vie et mes amours », voilà ce qu'il écrit. « Des colonnes de femmes et d'enfants déferlaient nuit et jour par les dernières routes encore ouvertes, c'était le premier exode des temps modernes que connut l'Europe. Un soir, de la rive française, nous avons vu brûler Irun, une maison, puis une autre, celle de nos amis et enfin la nôtre. En pleurant, les uns nos souvenirs, les autres tout notre bien, nous regardions les eaux de la Bidassoa, si calmes et si vertes d'ordinaire, se teinter de la pourpre des incendies. Pendant quelques années, moi si insouciant, je restais marqué par cette vision. » C'est peut-être d'ailleurs précisément le poids qui manquait à toute cette affaire, à toute cette vie jusqu'ici. Alors, après Hendaye, les parents décident de retourner à Bordeaux, hein, où ils sont accueillis par des amis. Bordeaux, c'est un peu leur ville d'élection, en quelque sorte. Le père travaille comme veilleur de nuit, tandis que sa femme et sa fille font des ménages, des travaux de couture, etc. Quant au jeune Mariano, il décide de partir pour Sarre, un pittoresque et minuscule village qui est situé au pied du massif de la Rune, si cher à l'impératrice Eugénie. Vous savez, on est là à une douzaine de kilomètres de Saint-Jean-de-Luz. Il intègre aussitôt après son arrivée le chœur national basque, mythique chœur légendaire qui s'appelle Ereso Inca, destiné, si l'on en croit un biographe, à promouvoir l'image d'un peuple aimant la paix et les arts auprès des pays démocratiques susceptibles de soutenir la nation basque. C'est vrai qu'on est dans une période politiquement hyper chargé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce chœur-ci, contrairement au précédent, est un chœur mixte, 63 chanteurs. Mariano est le second ténor, et alors qu'il est toujours à Sarre en 1937, va arriver quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'arrivée sur place de la troupe du cinéaste René Barbéris, dont les acteurs Louis Jouvet, Madeleine Auzeret, Françoise Rosay, vous imaginez un véritable monstre sacré du cinéma, qui s'installe pour le tournage du film Ramuncho d'après Pierre Loti, bien entendu. Eh bien, c'est grâce à ce film que Mariano va vivre sa première expérience d'acteur de cinéma. Car la chorale à laquelle il appartient, cette chorale nationale basque Ereso Inca, est appelée à faire de la figuration dans les scènes de foule. Voilà ce que nous dit Henri-Jean Servat, je le cite. « Il ne fait rien d'autre dans le film que de marcher au milieu d'une rue, de village, entouré d'autres garçons, tous en chemise blanche comme lui et se tenant plus ou moins par le bras ou l'épaule, béret sur la tête. » Lui qui fait tapisserie et garnit le décor n'a aucune importance dans l'histoire. Il est un parmi d'autres. Il a peu à tourner. Mais il vient et revient sur le plateau, même lorsqu'il n'y a rien à faire. Il traîne, bavarde et regarde, apprenant au passage l'art de la représentation. Et il a de qui apprendre et bientôt tenir. Il y a là le dieu vivant du théâtre français, Louis Jouvet, en chef des contrebandiers, et sa compagne Madeleine Auzeret qui joue la fille de l'imposante Françoise Rosay et la fiancée du héros que campe le jeune Paul Cambeau, qui sera 20 ans plus tard le distingué régent du Bossu aux côtés de Jean Marais. Sortant sur les écrans en 1938, le film a du succès, mais personne n'accorde à Louis, et pour cause, la moindre once d'attention. Il n'empêche, lui, il a la vocation. Vous avez bien compris qu'il a une fibre artistique, ça, depuis son plus jeune âge, qu'il a été doté par la nature d'une voix d'or, mais surtout, il a été doté, alors par quoi? Par sa famille, par la vie, par sa nature, que sais-je? Il a été doté d'une véritable ambition de spectacle, de théâtre, il aime cela, et là, cette fois, on peut dire que le virus, il l'a et qu'il l'a bien. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie, à la jeunesse de Luis Mariano. Alors, Luis Mariano donc va repartir pour Bordeaux, où ses parents ont trouvé un poste de gardien au domaine vinicole du château Bellois, à Fronsac, dans le Bordelais. Il va venir d'ailleurs les voir comme ça régulièrement, tous les week-ends. Et pendant ce temps, lui trouve un emploi de plongeur dans un cabaret de Bordeaux qui s'appelle Le Caveau. Alors ça, on aurait adoré. Et ça, c'est la partie la plus, on va dire, la plus légendaire de cette vie. Vous imaginez que dans l'arrière-cuisine, il chante, bien entendu. Et les clients entendent ce chant incroyable. Mais c'est quoi cette voix inouïe? On voudrait le voir. Alors, ben, le patron du caveau n'a pas tellement le choix. Il fait monter sur scène. Et c'est comme ça qu'il va chanter avec l'orchestre de Raphaël Canaro sur la scène du caveau. Il intègre bientôt ce fameux orchestre et il paraît officiellement comme chanteur d'orchestre, hein, celui qui chante le refrain. On est là. Le problème, c'est qu'on est là à l'été 1939. Vous voyez, au mois d'août 39, le contrat de l'orchestre du caveau s'achève. Canaro décide de partir avec l'orchestre pour une tournée en Amérique du Sud et pour cause. On sent que le vent est en train de tourner singulièrement en Europe. Et c'est bien sûr le début de la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que Mariano se retrouve sans travail. Alors il va passer le concours d'entrée en classe de chant du conservatoire de Bordeaux. Et le 7 décembre de cette année 39, alors donc que la France est en pleine drôle de guerre, comme on dit, Mariano González, c'est son nom officiel, est officiellement admis au conservatoire de Bordeaux. Il s'impose tout de suite, hein, il sort du lot d'une manière spectaculaire, au point même que ses professeurs lui conseillent d'aller le plus vite possible à Paris. Alors, le cabaret, le caveau qui a changé de nom, il s'appelle le cabaret du swing, est tenu par le célèbre chef de big band Fred Ardisson à l'époque. Mariano est engagé comme chanteur d'orchestre et il va partager l'année 40 entre ses cours de chant au conservatoire et puis ses activités le soir de chanteur de cabaret. Et là, il y a une rencontre qui va changer le cours de sa vie. Cette rencontre, c'est celle de Jeanne Lagiscarde, qui est gérante d'une boutique de musique à Bordeaux et qui va s'intituler en quelque sorte, j'allais dire, l'agent, le conseil. Vous savez, il faut tout lui apprendre à ce garçon. Il faut lui apprendre à se tenir, il faut lui apprendre à s'habiller, il faut lui apprendre. Il n'y a pas que la chanson dans la vie, évidemment. Elle va devenir un peu son Pygmalion, si vous voulez. Et en septembre 42, tous deux, Jeanne et Mariano partent pour Paris où ils s'installent dans un petit deux pièces de la rue Fontaine. On n'est pas loin dans le quartier de Pigalle, vous voyez. Et juste après leur arrivée, ils vont rencontrer un professeur de chant très célèbre, Miguel Fontecha, qui est un ténor qui a fait carrière en Espagne avant de venir enseigner en France. Et Mariano, par son talent, mais aussi par son entrain, par cette espèce de flamme qui l'habite, va convaincre Fontecha d'être son professeur. Et on connaît la célèbre phrase, hein, Fontecha lui dit « Écoutez mon petit, je vous donnerai des leçons, disons, gratuites, vous me paierez quand vous serez célèbre ». Et ce qu'il faut bien dire et préciser, c'est que Mariano tiendra promesse, évidemment. Alors, grâce à ce nouveau professeur, il va vraiment progresser d'une manière très spectaculaire, sous les yeux toujours très vigilants de Jeanne, bien entendu, qui est là, qui veille au grain, qui surveille cette carrière naissante. Et c'est à ce moment-là qu'il va changer de nom. C'est Christophe Mirambeau qui nous raconte l'anecdote. La légende, dit-il, la légende marianiste veut que la chanson Ramon, créée par Betty Spell et popularisée par Andrex, ait été pour beaucoup dans le changement de nom du ténor. Cette chanson avait pour refrain la formule, il s'appelait Ramón y González y Córdoba, et comme lui-même s'appelle González, ça tombe mal, vous avouerez. Donc pour éviter les mauvais jeux de mots et l'association possible, on va décider de lui donner un autre nom, Luis Mariano, et voilà comment à partir de 1943, on parlera de Luis Mariano. C'est la même année que le metteur en scène Max Derieux veut célébrer le centenaire de l'opéra de Donizetti Don Pasquale et en montant une représentation unique au Palais de Chaillot. Luis est auditionné, il est immédiatement choisi. À la limite, c'est même pas du jeu, vous avez bien compris qu'à chaque fois qu'il fait entendre un peu de sa voix, tout le monde le veut. On a chanté la Parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes filles du Nord ont le sang chaud. Luis Mariano avec un extrait de son titre Mexico dans un instant sur Europe 1. Nous revenons à la vie de Luis Mariano avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Henri-Jean Servat. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième c'est de chaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop. On oublie tout, sous le beau ciel de Mexico, on devient fou. Au son des rythmes tropicaux, si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante. Chaque jour, Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Mexico, c'était Luis Mariano sur Europe 1. Luis Mariano qui est au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Henri-Jean Servat, journaliste, auteur de Luis Mariano, Les Mélodies du Bonheur aux éditions Hors Collection. Bonjour Henri-Jean Servat. Bonjour, quand on entend cette voix incroyable, on comprend qu'il aurait pu devenir tout simplement ténor d'opéra. D'ailleurs, dans cette œuvre de Donizetti, il avait l'air parti pour. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que le fameux Miguel Fonteca, le ténor dont vous avez parlé, ils ont beaucoup parlé tous les deux ensemble, et Mariano a compris que être ténor d'opéra, c'était une véritable assaise. Il aurait fallu se coucher tôt, il n'aurait pas faire. C'est presque un travail de sportif de haut niveau. Quoi, voilà. Alors il lui a expliqué, ce Fonteca, mais plutôt que de devenir chanteur d'opéra, devient chanteur de bel canto. Disons, en gros, bel canto, ce sont ceux qui font des prouesses vocales, voilà. des roucoulades, des coucouroucouculades avec la voix, qui font des choses comme ça. Quoi. Et comme ça a plu beaucoup à Mariano de jouer avec sa voix, donc il a reconverti un peu sa voix, c'est-à-dire que c'est moins chanter avec les aigus, c'est parler avec, chanter avec la poitrine en inspirant à plusieurs reprises, hein, tout un tas de petites techniques qui ont fait qu'il est devenu expert de la roucoulade, la coucouroucouculade, et ça a été formidable. Il a eu une gloire mondiale. Ce qui est incroyable, c'est que de très grands noms de l'opéra, des chefs d'orchestre, je pense évidemment à Maria Callas qui l'a dit, avaient une vraie admiration pour la voix de... Mais bien sûr, mais vous savez ce qui m'agace maintenant, il y a plein de programmateurs d'émissions de radio qui trouvent que c'est ringard, démodé, désuet, mais sont des andouilles. En même temps, tout le monde chante et danse là. Hein, donc... Mais tout le monde le chante. on fait une tournée, c'est plein à craquer partout. Tout un tas de gens, je veux dire, pensent que Mariano c'est désuet, il préfère nous mettre autre chose dans les oreilles. Mais c'est pas vrai. La Callas, elle a raconté que toute sa vie, elle avait un regret, elle aurait aimé chanter la Traviata, qui est l'opéra des opéras, elle aurait aimé le chanter avec Mariano, qui aurait fait Alfredo de Jarmonte en face. Donc c'est quelque chose de formidable. Moi, j'ai fait un bouquin comme Rolando Villazone, qui est un des plus grands ténors du monde, idolâtre Luis Mariano, Roberto Alagna, Cecilia Bartoli, adore Luis Mariano. Les plus grandes chantent, des chanteuses des années passées, des décennies écoulées, aux chanteuses d'aujourd'hui, Nolwenn Leroy, tout un chacun adore cette voix de Luis Mariano. Et les gens vibrent comme tout, parce que c'est merveilleux et c'est magnifique. Ce qui devait être magnifique, j'espère qu'on l'a senti, c'est au moment où cette voix s'est fait entendre pour la première fois, quand il était au début dans ses chorales, etc. Et puis alors il est dans cette arrière-salle de cabaret, puis on le fait venir sur la scène, etc. Les gens qui ont découvert ça devaient se demander ce qu'ils entendaient. Parce que nous, on le sait, on a été, si je puis dire, bercé, élevé, plus ou moins, avec Luis Mariano. C'est une voix qui fait partie du paysage. À l'époque, on voyait ça arriver comme une sorte de prodige. Surtout, c'est que toute la période de Mariano, c'était pendant la guerre. Pendant la guerre, il y avait l'occupation allemande, donc on ne chantait pas beaucoup, on n'avait pas envie d'être gay ni des joyeux. Les cabarets allemands, c'était des chanteurs généralement qui étaient des chanteuses souterraines, un peu qui chantaient le mal de vivre, ouais, qui chantaient des réalistes. Oui. Voilà, c'était ça. Et puis subitement, en 1945, tout ça à cause de Piaf. Piaf a un nouveau Jules, elle doit faire un spectacle à Paris dans la rue de la Gaîté. Elle se barre avec son Jules, donc il faut trouver un spectacle. On a l'idée d'un mélodiste qui s'appelle du Pays Basque, qui s'appelle Francis Lopez, qui est copain avec un chanteur d'opéra qui s'appelle... Et ils essayent à l'improviste, et c'est en 1945, et on ne peut pas comprendre le succès de Mariano. Ça va s'appeler La Belle de Cadix. Parce que, mon cher Franck, pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens sont désespérés. Je veux dire, on sort de la guerre, on est en décembre 45, les camps de concentration sont réouverts, les gens ont des tickets pour manger, ont des tickets pour s'habiller, les gens ont perdu leur père, leur mari, leurs amants, la résistance, il y a eu l'épuration, la collaboration, tout ce qu'on peut imaginer. Et subitement, on découvre dans un petit théâtre de Paris qui n'est pas chauffé, qui n'est pas sonorisé, les gens assis sur des bancs de bois, et on entend cette voix magnifique, et qui leur donne envie d'être heureux, c'est des envies de bonheur formidables. S'il y a tout un contexte social qui est formidable, bien sûr, c'est ça qui est bien. On va entendre évidemment quelques mesures de La Belle de Cadix, puisque c'est le succès des succès de Luis Mariano, c'est ce qui l'a rendu célèbre, jour au lendemain. Ah oui, en une nuit à Paris, du jour au lendemain. La Belle de Cadix a les yeux de velours. La Belle de Cadix vous invite à l'amour. Les cavaliers sont là, si dans la fosse, on a planqué le dame. Et pour ces jolis vieux noirs, les hidalgos le soir viennent tâter la chasse. Mais malgré son sourire et son air engageant, la Belle de Cadix ne veut pas de naman. Alors avec beaucoup d'effets, bien entendu, il y a ce que Karajan aurait appelé le fameux rubato, hein, dans cette façon presque maniérée de chanter de Luis Mariano, mais qui en même temps était assez nouvelle là aussi, parce que il pouvait s'offrir le luxe avec ce coffre extravagant qu'il avait de chanter parfois juste un tout petit filet de voix, hein, c'est et ça. Et surtout, tous les hommes étaient partis à la guerre ou malheureusement étaient prisonniers dans les camps, c'est surtout des femmes qui chantaient en 45, oui, c'est sûr, des femmes. Non, il y a cette voix d'homme, on est habitué au modèle arien, c'est-à-dire les types avec les cheveux blonds, avec la peau blanche, avec les yeux bleus, et il arrive avec son allure méditerranéenne. Vous avez tout à l'heure dit avec beaucoup de justesse qu'il passait son temps à être fasciné par les beaux-arts, c'est lui qui dessinait les costumes des spectacles, il mettait des pompons, il mettait des dentelles, on sortait d'une période où on avait été privé de tout. On en rêvait avec ça. C'est la chance de Luis Mariano, c'est-à-dire que nous avons vu quand même que de la chance, il n'en a pas eu tant que ça dans son enfance. Il y a cette guerre d'abord des difficultés familiales, financières, je veux dire, et puis cette guerre d'Espagne, ensuite la famille est à peine réfugiée en France et allez patatras, c'est l'occupation allemande, c'est un peu lourd tout ça, et puis d'un seul coup, au moment où lui-même éclot, là il y a une concordance de temps fabuleuse, au moment où il est prêt à prendre son envol, c'est la libération, c'est l'envie de vivre, de faire la fête, etc. Et il va s'associer à ce mouvement. Hein. Il va être à la fois l'initiateur de ça, il va être le suiveur du mouvement, c'est lui qui va te lancer tout un chacun a envie de faire danser, et d'avoir des spectacles colorés. On voyait des couleurs sur scène, on voyait très, des spectacles. Très fortes couleurs, oui. On avait été privé de tout, il n'y a pas eu de spectacle, il n'y a pas eu de comédie musicale. Pendant 5 ans, il n'y avait rien eu. Et ce type arrivait, il riait comme un fromage entamé, les sourires, les commissions d'élèves jusqu'aux oreilles, il était là, il riait. C'était formidable, les gens avaient envie de chanter avec lui. Ces couleurs acidulées, pleines de vie et de joie qu'on retrouve sur la couverture de l'ouvrage d'Henri-Jean Servat et sur sa chemise, je le signale pour ceux qui évidemment n'auraient pas l'image aujourd'hui, avec des papillons magnifiques et très colorés. On a... Ce sont bien des papillons. Oui, tout à fait, c'est provençal. Bah, évidemment. Comme d'habitude. Alors, il y a des traditions qu'on ne perd pas. Je vous propose d'écouter la voix de Luis Mariano. C'était au micro d'Europe 1, bien entendu. C'était en 1960. Il nous parle de son métier, tout simplement. J'ai fait exactement dans la vie ce que j'avais envie de faire. Jusqu'à quel âge peut-on rester une grande vedette? Je ne pense pas quel âge puisse intervenir. Parce qu'on n'a pas un âge pour arriver à vedette et on n'a pas un âge pour finir d'être vedette. Avez-vous l'impression d'avoir bien réussi? Que j'ai réussi, je suis persuadé. Moi, je me souviens d'un garçon qui est rentré en France avec les mains dans les poches. Et aujourd'hui, si jamais il faut que je déménage, il me faut quand même, je ne sais pas, 3 ou 4 camions. Mais vous cesserez de travailler faute de travail ou bien vous êtes donné une date limite pour vous arrêter de travailler? Non, je me dis qu'au fond c'est une bêtise, et ensuite, je me dis que le jour que je m'arrête, je me fatiguerai de rien faire. Luis Mariano, c'était le 21 octobre 1960 au micro de Maurice Brusek, donc sur l'antenne de ce qui à l'époque était Europe numéro 1. On va bientôt célébrer les 60 ans d'Europe 1 d'ailleurs, je le dis, je referme aussitôt la parenthèse. Très content de lui finalement ce garçon. Mais il savait ce qu'il apportait aux gens, il le voyait dans la rue. C'est que c'était une idole absolue, on n'a pas idée de ce qu'était. C'était les Rolling Stones et les Beatles se réunissent, c'était hystérique. Ils partaient de derrière le rideau de fer jusqu'en Amérique du Sud, c'était une hystérie. On peut parler d'une idole planétaire. Planétaire, on peut absolument. Et en plus, les femmes qui font les idoles, elles avaient perdu leur père, leur mari, leurs amants, leurs frères, leurs fils, à la guerre ou dans les camps. Et subitement, elles sont tombées amoureuses de ce type qui était aux antipodes, on l'a dit tout à l'heure, du modèle arien. Elles sont tombées folles amoureuses de lui. Vous savez quand même qu'on dégageait les entrées des artistes des théâtres à la lance à incendie. Ils sortaient dans des paniers à salade. Je veux dire, c'est pas des fantaisies, c'est raconté par tout un chacun. Parce qu'ils sortaient déchiquetés. Il est un espèce de modèle d'homme. Mais on l'a fait des années plus tard avec Gilbert Bécaud, avec Hallyday, avec Mick Jagger. Mais on l'avait fait, on l'a inventé avec Luis Mariano. Alors comme il riait en plus tout le temps, on avait envie de vivre avec lui, on avait envie de l'avoir comme amant, comme mari, comme c'était un bonheur complet. Voilà. Alors, nous allons essayer de voir qui se cachait justement derrière cette idole planétaire, quel était le caractère, quels étaient parfois peut-être les doutes de Luis Mariano. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Une brillera bien chanter sous ma fenêtre. Quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens, j'attire Rossignol, le Rossignol. Luis Mariano sur Europe 1 avec un extrait de son titre Rossignol. Luis Mariano dont vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec votre invité Henri-Jean Servat, journaliste, auteur de Luis Mariano, Les Mélodies du Bonheur, aux éditions Hors Collection. Il a l'air toujours extrêmement gentil, bien élevé, propre sur lui, si je puis dire. Il était comme ça dans la vie. Il a toujours été comme ça. Toujours, ouais. Toujours. C'est quelqu'un, on a cherché aussi dans le métier, on regarde, on demande, on pose la question aux gens. On n'a trouvé aucune bassesse, aucune sottise, aucune niaiserie. Moi, je découvre même, je suis allé passer du temps au Pays Basque, bien sûr, je l'ai même découvert après, les gens ne voulaient pas le raconter, qu'il avait fourni, ça fait misérabiliste, mais il y avait des écoles qui n'étaient même pas chauffées à l'époque. Il avait voulu racheter des poêles à bois pour toutes les écoles des petites communes du Pays Basque. Et il ne voulait que cela ne fût point su de qui que ce soit. Moi, je trouvais que c'était tout à fait adorable. Il avait des choses idiotes, il avait des vaches, il avait des vaches. La chose qu'il n'aimait pas bien, il aimait la corrida. Ça, moi, je trouve que bon, peu importe. Il avait des vaches. Je déteste la corrida. Mais les vaches, les vaches, il leur donnait le prénom de ses partenaires de cinéma. C'est-à-dire qu'il y avait la vache Annie Cordy, la vache Toulmina Tcherina, la vache Martine Carole, et toutes ses copines à Paris, actrices, lui demandaient toujours des nouvelles de leurs copines les vaches. C'est-à-dire, il avait réussi à réserver, vous savez, à préserver, à faire un espèce d'endroit. Loin de tout malheur, loin de toute tristesse, une espèce de ferme modèle. Sa vie privée était un peu un jardin secret, on sait qu'il a eu un grand amour. Enfin, il raconte ça, lui, hein, dans un de ses deux ouvrages autobiographiques. Il raconte qu'il a eu un grand amour à l'âge de 16 ans. Il y a eu cette histoire avec Carmen, là, qu'il devait constamment épouser. Il a jamais épousé. Moi, ce que je pense, honnêtement, on va mettre les pieds dans le plat ou pas. Je pense qu'il était gay, je pense que c'est lui que ça regarde et on s'en fout, je veux dire. On s'y intéresse, pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'a pas dû être heureux, parce que dans un milieu espagnol, traditionnaliste et intègre, comme ça, il a du mal. Il vivait toujours avec son père et sa mère, il n'a jamais pu ramener quelqu'un à la maison, garçon ou fille d'ailleurs. Donc je pense qu'il n'a jamais été, sa chair n'a jamais exulté comme il aurait convenu qu'elle exultât, si j'ose dire. Ça n'a pas été possible. Mais ceci explique peut-être cela. Voilà, mais il était sublime sur scène. Voilà, quand on écoute la voix, on écoutait avec vous tout à l'heure, il écoutait la voix, le Rossignol, je veux dire, mais la voix est sublime. Moi, j'ai envie de pleurer quand j'entends une voix aussi extraordinaire que ça. Personne n'a égalé ce genre de choses. Et donc, ce qui était un peu assez agaçant, c'est que cette voix était extraordinaire. Et je crois que n'a pas été. Vous savez, vous connaissez mieux que moi, aussi bien que moi, la phrase de Madame de Staël, la gloire et le deuil éclatant du bonheur. Je crois que ce garçon. Elle parlait des femmes, mais en l'occurrence. Mais je crois que lui n'a jamais été heureux comme il aurait aimé l'être. Il n'a jamais aimé comme il. Mais il a tenté, il a eu des petits bonheurs dans sa vie et il a apporté tellement de bonheur à des gens. Et on s'en fout, quelle que fût sa sexualité, on s'en fout complètement. Je veux dire, moi, ça m'intéresse 10 secondes parce que je dis, il a peut-être pas aimé, il a pas été heureux. Voilà, c'est surtout ça dans la vie privée. Mais alors, il chantait divinement. On peut citer évidemment les grandes opérettes. Faut pas oublier que l'opérette à l'époque, aujourd'hui, ça fait un petit côté évidemment un peu sépia, un peu à l'ancienne. Mais à l'époque, c'est le grand genre hyper à la mode, hein. Faut pas oublier ça. La Belle de Cadix, on l'a dit en 45, 2 ans plus tard, Andalousie. Le succès des succès, le chanteur de Mexico 1951, Chevalier du ciel, on l'a entendu pour ouvrir cette émission en 1955, Le secret de Marco Polo, Visa pour l'amour, Le prince de Madrid en 67, dernier très grand succès, La Caravelle d'or aussi en 69. Il a eu un malaise en chantant La Caravelle d'or au Châtelet, oui. Mais une opérette, ça durait 3 ans. La dernière opérette qu'il avait faite, c'était sur un bateau avec la scène du Châtelet, c'est un bateau qui tanguait. Je veux dire, il y avait de gigantesques cheminées dans lesquelles on aurait pu rôtir des gros bœufs en carton, quoi qu'on peut éviter de manger de la viande, bien sûr, mais je veux dire, c'était quelque chose de très imposant, et ça durait pendant 3 ans, c'est pour ça que dans sa vie, il n'y a eu que 8 opérettes, enfin 8, oui, oui. Une neuvième qui n'a pas été... C'était des spectacles qui ne s'arrêtaient pas, et on jouait à guichet fermé. Ah oui, oui, et 25 ans de gloire ininterrompue. Sans parler de tout ce qui était adapté au cinéma, et vous aviez en province et dans le monde entier des gens qui allaient voir les mêmes opérettes, mais sur grand écran, bien entendu, avec ses couleurs très acidulées. J'ai eu l'honneur, nous dit Jean-Alain via Facebook, de faire de la frime pour le prince de Madrid au Châtelet. Ah ouais. Et je peux vous dire que sans micro, il partait du fond de la scène, parcourait les 28 mètres et on l'entendait depuis l'entrée du théâtre avec 3 points d'exclamation. Les gens ne l'ont pas oublié, hein, évidemment. Mais je vois, puisqu'on fait ce spectacle là, je vois les gens viennent à la sortie, il y a des gens qui l'ont connu, qui l'ont rencontré et qui l'aiment. Et c'est faux de dire que Mariano c'est surtout pas démodé, c'est l'amour d'une belle voix, je veux dire, c'est l'amour d'une voix qui chante. Les contre-hudes de Louis Mariano, les si bémols de Louis Mariano, mais vous vibrez encore et toujours. Alors ce spectacle, il s'appelle Louis Mariano, revivez la légende. On l'entendra notamment demain à 15h et à 20h30 au Palais des Congrès, avec notamment Mathieu Sempéré, ce spectacle. Nicolas Gambotti et Marc Larcher. Et c'est vous qui présentez, c'est vous qui racontez. Je raconte. Sans notes, sans papier, sans carton, sans rien. C'est la seule façon. Ah oui, la façon. Avec le cœur, on raconte ça. Mais je dis que l'après-midi, le Palais Congrès plein craqué, donc je sais pas, ça fait 4500 personnes, je crois, qui sont venues comme ça. Et le soir, c'est en même temps. Et d'ailleurs, en même temps, je dis qu'il y a Vincent Niclot, vous savez, qui chante aussi Louis Mariano, qui chante très bien Louis Mariano, qui fait un concert demain soir au Châtelet. Qui est un marinesque. Au Châtelet, qui est enfin, on va dire le temple de Louis Mariano. Mais les gens vibrent et sont heureux quand même. Hein, alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous commencez le spectacle par la mort de Louis Mariano, totalement, qui a choqué, on peut dire, tout le monde. C'était en 1970, il est donc encore Châtelet, il chante la Caravelle d'or, c'est lui qui a dessiné les costumes, c'est lui qui a dessiné l'affiche, il est en scène, il joue le rôle du frère du grand... un grand d'Espagne, frère du roi d'Espagne, fiancé à la cousine du roi de France. Un peu de fantaisie, là, ne fait pas. Voilà, dans l'affaire. Et il a eu un malaise. Il chantait sur scène. Il a eu un malaise. Sur scène, sur la scène du Châtelet, il s'est retenu, il a vacillé. Il est pas tombé. Il a vacillé. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a compris que ça n'est pas. Donc, il s'est raccroché au rideau. À l'époque, on avait équipé les rideaux du Châtelet de mantelets de cuir pour les faire tenir un peu plus lourds. Les faire un peu renaissance espagnole, si j'ose dire. Et il s'est raccroché à ça, on a fermé le rideau, on l'a couché, c'est émouvant à mourir. On l'a couché sur le côté, juste dans la coulisse derrière, ils ont continué la pièce. Ils ont continué l'opérette avec un représentant, une doublure de Louis Mariano, qui était équipé, parce qu'on savait qu'il avait des petites faiblesses de santé. Et le garçon a chanté, a fini l'opérette, et Mariano était couché sur le côté et regardait toute la fin de la pièce comme ça, pas démaquillé, habillé, dans l'espoir de reprendre la pièce. Et puis la pièce, il l'a jamais terminée, si j'ose dire. Il a vu ses camarades applaudir devant lui. On l'a mis tant bien que mal debout et on l'a ramené en voiture dans sa maison du Vésinet. Puis après, à Arcang, et il est revenu à Paris en avion pour mourir à la Pitié Salpêtrière. Il n'a plus jamais rechanté sur scène. On peut dire qu'il a arrêté de chanter sur la scène du Châtelet et qu'il n'aimait que ça. Je veux dire, il n'avait pas de vice, de folie, de dire, mis à part chanter et rendre les gens heureux. C'est ça qui était formidable. Sa tombe est toujours fleurie aujourd'hui, hein, faut le dire. Hein. On voit même pas la couleur de la pierre. Ouais, c'est ça. On voit pas la couleur de la pierre. Il y a son père, sa mère et sa sœur enterrés avec lui. Mais c'est un jardin d'hiver, ça, sa tombe. C'est extraordinaire. Les gens viennent en pèlerinage. Moi, j'ai vu des gens là-bas, il y en a à genoux sur la tombe, pleurant, et puis qui payent. Il y a une dame qui s'appelle Marcel Chartron. Elle reçoit un peu d'argent de tous les gens qui aiment ça, et elle fleurit quotidiennement la tombe. Tous les jours, elle y va, et tous les jours, des gens sont là. Mais c'était, il y avait Rudolf. Et vous savez qu'il y a une chose qu'on sait pas toujours, que Rudolf Valentino était mort en suscitant beaucoup d'idolâtrie comme ça, et la Paramount à Hollywood voulait refaire un biopic sur la vie de Rudolf Valentino et voulait même que Mariano reprit tous les grands films, et puis il a pas voulu partir, il fallait des contrats de 7 ans avec la Paramount, il fallait quitter sa famille, ses copains, ses amis et tout, donc il a pas voulu quitter, mais il avait un pont d'or pour partir à Hollywood incarner Rudolf Valentino à l'écran, et c'était le même genre d'hystérie qui était de folie amoureuse idolâtre, voilà. Peut-on dire, Henri Jean Servat, que ce centenaire tombe au bon moment, qu'on a un peu besoin de Luis Mariano et qu'on avait envie de le redécouvrir? Parce que il faut dire qu'il a eu sa post-mortem, sa traversée du désert. Parce qu'il s'est écroulé sous les espèces d'hommages un peu idiots, sous les gens qui en faisaient trop, sous ses fans qui l'ont fait conserver Talanaspic en sa gelée, vous savez, il faut pas dire que, par exemple, moi j'ai pris une ou deux volées de bois vert, mais pas méchant, une fois, parce que j'avais dit qu'il était gay. Mais on s'en fout que Luis Mariano soit gay, je m'en fous au point qu'on peut pas imaginer. C'est plus par rapport au bonheur qui a pas été le sien complet. Donc des fans qui l'ont transformé en caricature, en espèce de poupée, trop pommadée, trop quoi. Alors que c'était pas ça, Luis Mariano, c'était pas ça. Mais sa période de gloire, maintenant, il est revenu et c'est formidable. Et puis, ça paraît con de dire ça, mais d'apporter du bonheur. On se sent tellement joyeux quand vous dites même dans votre studio, les gens chantent. Et c'est dans un monde de grisaille et de tristesse, écrivez-vous, le beau Louis continue à nous chanter la joie et le rêve, la foi et l'extase, l'envie et la force de soulever des montagnes du Pays Basque et les autres. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. Luis Mariano sur l'antenne d'Europe 1. Luis Mariano, les mélodies du bonheur, c'est le titre de très bel album hyper illustré d'Henri Jean Servat qui paraît chez Hors Collection. Et le spectacle, quant à lui, Luis Mariano revivait la légende, ce sera notamment, parce qu'il y a toute une tournée. Il y a les arènes de Bayonne, 8000 places dans les arènes de Bayonne. En tout cas, à Paris, si vous êtes parisien ou si vous vous trouvez à Paris en ce moment, c'est demain à 15h et à 20h30 au Palais des Congrès. Il y a Niclo qui chante donc demain soir au Châtelet, et Niclo viendra chanter Vincent. Non, monsieur, mais c'est pas en concurrence, il aime Luis Mariano, ça me va très bien, puis il a une belle voix. Très bien, et Luis Mariano. Et Vincent Niclo fera partie du programme dans les arènes de Bayonne. Il y aura les ténors qui sont avec moi, donc Larcher, Gambotti et Sempere, plus Vincent Niclo, 15 musiciens très bien, dans les arènes de Bayonne. Et une phrase pour dire à quel point toutes ces musiques, et c'est sublime, c'était de la musique de Francis Lopez. Lopez, oui, c'est on a appelé Francis Lopez. Je me suis rendu compte qu'on a oublié de citer une mélodie fondamentale. Sublime, extraordinaire, absolument. Francis Lopez, évidemment. Deux ouvrages parmi les nombreux qui paraissent à l'occasion de ce centenaire de Christophe Mirambeau, Saint-Louis, Les secrets de Mariano chez Flammarion, et de Jacques Rouault et Pacci, avec un entretien de Roberto Alagna en ouverture, Luis Mariano, une vie aux éditions Sud-Ouest. Merci beaucoup, Henri Jean Servat. Écoutez Luis Mariano. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck Ferrand, cet après-midi à la question de Noémie. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle souhaite connaître l'origine de la fête des mères. Alors c'est une origine qui n'est pas très ancienne. Elle remonte au début du dernier siècle, en 1907. C'est une institutrice américaine, figurez-vous. Elle s'appelait Anna Jarvis, qui a souhaité rendre hommage à une mère qui venait de mourir. Et elle a proposé la mise en place d'une fête officielle, le Mother's Day, qui a été célébrée dès 1911, approuvée par le gouvernement en 1914 et est fixée au deuxième dimanche de mai. Ça, c'est aux États-Unis. En France, l'idée de fête des mères, née, on va dire, à peu près à la même époque. Hein. Il s'agit de rendre hommage à l'époque aux mères de famille nombreuses. Et après la guerre, à partir de 1918, alors là, on va vouloir, pour relancer la natalité, créer une journée nationale des mères de famille nombreuses, hein, que le gouvernement va transformer en journée des mères. Et c'est seulement en 1941 que le régime de Vichy va officialiser la fête des mères, ce qui n'a rien d'étonnant, parce que là aussi, il y a cette volonté de natalité, etc. Après-guerre, cette forme de fête des mères sera conservée. Elle a été officialisée par la 4e République. C'est la loi du 24 mai 1950.